Jésus dit, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Quelquefois, on se dit, mais il me semble, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Il me semble, c'est un peu pesant, ce qu'on a à vivre, dépendamment des situations de notre vie. Mais quand on trouve que souvent les choses sont trop pesantes, c'est encore que notre relation et même image avec Dieu est à purifier. Est à purifier. Et donc, il nous faut encore apprendre, mais qui est Dieu? Qui est Jésus? Pour apprendre à connaître réellement Jésus, il faut, je semble nous dire Jésus, ne pas se prétendre pour sage et savant. Puisque Jésus dit, « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Ce passage-là de Matthieu arrive juste après un passage où Jésus se plaint un petit peu de la lenteur à croire, spécialement des chefs des prêtres, des pharisiens, des juifs ou de la foule, parce que Jean-Baptiste était venu envoyer des gens pour savoir « Es-tu celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre ?» Et Jésus avait dit, ben regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, jugez-en vous-même par ce que vous voyez. Et après, Jésus s'exclame et se tourne encore une fois vers la foule, vers les pharisiens aussi, et leur dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Il dit, en parlant de Jean-Baptiste, il dit, un roseau qui s'agite? Il dit, bien non, il dit, c'est vraiment le prophète, c'est de lui qu'on a dit qu'il doit précéder le Messie. Mais Jésus dit, plusieurs d'entre vous n'ont pas répondu à son appel à la conversion. Vous l'avez trouvé trop intense, hein? Et on dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel dans le désert, il jeûnait, etc. Il dit, vous avez même dit de lui, c'est un possédé. À mon tour, je viens, le Fils de l'homme, il vient. Jésus dit, voilà, lui, vous dites, il jeûne trop. Puis Jésus, parce qu'il mange, il boit aussi, il prend un verre avec les pécheurs. Vous dites, ben celui-là, c'est un glouton, puis c'est un ivrogne. Et là, Jésus dit, mais vous ressemblez à ceux de ce dicton. On a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. On a entonné les hymnes de deuil et vous n'avez pas pleuré. Vous ne savez pas reconnaître chaque homme de Dieu au moment où il vient vers vous avec un appel précis. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y en a qui ont répondu à l'appel de Jean-Baptiste pour se convertir. Hein, il y a les publicains qui viennent pour demander pardon, il y a même des soldats, des centurions qui disent, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, il y a toutes sortes de petites gens qui s'approchent de Jean-Baptiste et qui reconnaissent que c'est un prophète et qui, oui, ont le désir de se convertir. Et pareillement, il y en a plein aussi qui ont reconnu Jésus, puis qui ont dit, cet homme, il n'y en a pas d'autre qui parle comme lui, puis il n'y en a même pas qui font des gestes comme lui. Et eux savent reconnaître que Jésus vient de Dieu. Et pourtant, les spécialistes, les chefs des prêtres, les pharisiens, les spécialistes des Écritures n'arrivent pas à le reconnaître. Pourquoi? Ça aurait dû être les premiers à reconnaître. Mais souvent, avec la science, avec la sagesse, une certaine forme de connaissance, vient souvent, parfois, un peu de fierté de connaître. Moi, je sais, et eux ne savent pas. Et finalement, on se perche sur notre piédestal, et on se met à regarder les autres d'un peu plus haut. Eux, c'est les pauvres qui sont pas encore instruit et jaillit un peu cette mentalité hein, de la gnose, ceux qui savent, la connaissance, les purs, les impurs. Et finalement, sans le savoir, on se détache de Dieu parce que Dieu, lui, s'est fait petit et pauvre. De la condition divine, Paul nous dit aux Philippiens, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, prenant la condition humaine jusqu'à prendre celle de serviteur et même celle de mourir sur la croix. Jésus n'a pas peur de s'abaisser pour nous élever avec lui. Comment faire? D'une part, dans la Bible, juste pour s'assurer que c'est une vraie règle spirituelle constante, que ce ne sont pas nécessairement ceux qui se croient grands ou forts qui comprennent les premiers le Seigneur. On peut prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Vous souvenez-vous, lequel des fils de Jessé a été choisi pour être roi? Hein, il y avait toutes sortes de fils. Samuel, le prophète, va chez Jessé parce que le Seigneur lui a dit « c'est l'un de ses fils qui va être le roi d'Israël ». Le premier qui se présente, c'est un gaillard, un grand colosse, fort, grand, intelligent. Samuel se dit « ça doit être lui ». Puis le Seigneur lui dit « non, c'est pas lui ». Attention, je ne regarde pas aux apparences, mais je regarde au cœur. Et finalement, un autre frère se présente, grand, costaud aussi. Ah, ça doit être celui-là. Non, c'est pas lui. Et finalement, comme ça, tous les frères défilent. Finalement, c'est aucun de ceux qui lui sont présentés, aucun de ceux qui semblent fort, grand, beau, intelligent. Et il dit, ben, as-tu un autre fils? Parce que c'est pas celui-là. Et là, le Jessé lui répond, ben, il y a mon petit dernier là, qui est berger, qui s'occupe des moutons, là, mais voilà, ben, il dit, amène-le, on ne mangera pas sans qu'il soit là. Et finalement, il s'en vient, vous savez c'est qui? Quel est son nom? David, c'est le petit David, le plus jeune, celui qu'on n'attendait pas grand-chose, il n'y a pas de grande stature. Eh bien, c'est le petit David sur lequel Dieu s'est penché, pour être le berger de son peuple. Lui qui prend soin tendrement des petites brebis, le Seigneur se dit, il saura prendre soin tendrement de mon peuple. Et finalement, c'est le petit David qu'il choisit aussi pour se battre contre qui? Goliath, hein, le grand Goliath qui est un Philistin. Ils avaient lancé un défi à l'armée juive. Et c'était un colosse apparemment bien baraqué, qui dépassait tout le monde d'une tête et plus, armure, tout le monde en avait peur. Et qui irait l'affronter? Eh bien, c'est le petit David qui dit, ben moi je vais y aller. Et puis Saül, le roi de l'époque, un peu apeuré, lui dit, mais t'es sûr? Puis finalement, il lui dit, ben je vais au moins te passer mon armure. Puis il lui passe son armure, son épée, puis il flotte là-dedans, il est bien trop grand. Puis là, il dit, non, je ne vais pas me battre avec ça, ça va plus me nuire que m'aider. Et il s'en va un peu tout nu, avec sa petite peau de mouton, avec sa fronde, son bâton, au point que Goliath est insulté. Il dit, quoi, je vous ai lancé un défi de venir vous battre avec moi, puis vous envoyez cet enfant avec un bâton venir me tuer? Il dit, allez, viens-t'en, je vais faire de toi la pâture pour les chiens, là, mais amène-toi mon petit coco. Et là, David lui répond, toi, tu viens avec la force de l'épée, des boucliers, des armes, de la lance, mais dis-moi, je m'avance vers toi avec la force de Dieu. Et finalement, le petit David s'avance, en courant, prend sa fronde, ses trois cailloux, et pouf, premier caillou, en plein front, le grand Goliath tombe à terre, et avec l'épée de Goliath, c'est lui qui lui tranche la tête. Bon, c'est un peu sanglant, là, l'affaire. C'est pas cette partie-là qui est à retenir, mais il faut savoir que la vie, c'est un combat. Et si on le sait pas, ben, on a perdu d'avance la bataille. Et il y a quelque chose de violent dans la vie, dans le combat. Et d'ailleurs, Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Saint Paul le déploie beaucoup, cette analogie-là de la bataille, mais entre la chair et l'esprit. Et pour Saint Paul, la chair, c'est pas juste les impuretés sexuelles, là, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tout le vieil homme, celui qui résiste à se convertir, celui qui fait les chicanes, celui qui se tourne plutôt vers la magie plutôt que la confiance en Dieu, et celui aussi qui est fasciné par la chair, mais pas par l'histoire des personnes. Donc, il y a un combat contre la chair, cette chair un petit peu sauvage, rebelle, qui n'entre pas, qui réussit pas à entrer dans le plan de Dieu, le plan de l'esprit, le plan de la charité, le plan du don de soi. Mais Saint Paul dira, hein, par l'Esprit Saint, faites mourir. La parole est forte. Pour prendre l'épée et trancher la tête de nos mauvaises tendances, faites mourir les tendances égoïstes de la chair. Mais donc, je reviens à notre David, le pape Jean 23 disait, vous savez, le combat de l'Église, ce sera toujours l'histoire de David contre Goliath. C'est-à-dire qu'on est toujours trop petit par rapport à la grandeur de la bataille. Pour les choses à changer, on est toujours trop faible. Et on se croit souvent pas assez intelligent pour aller affronter, pour lever la main, pour dire d'un instant, je suis pas tout à fait d'accord. Et pourtant, on devrait avoir la conviction du roi David et dire, j'ai peut-être pas ta sagesse, j'ai peut-être pas même toute ta science, mais voici, je viens avec toi avec la force et la sagesse de Dieu. Marie, la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, elle aussi énonce cette petite règle que Dieu bénit les humbles et les petits. En son Magnificat, une fois qu'elle s'aperçoit qu'elle a été choisie pour être la mère du Fils de Dieu, qu'elle va voir sa cousine Élisabeth, les deux sont toutes contentes, elles exultent dans l'Esprit Saint. Eh bien, qu'est-ce que Marie fait? Elle chante son Magnificat. Mais c'est quoi le Magnificat? Hein? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Et ensuite elle dit, le Seigneur abaisse les puissants, il élève les humbles. Elle reconnaît que c'est une règle de la grâce, que ce ne sont pas par nos forces que nous vaincrons, et ce n'est pas par nos forces que le plan de Dieu va s'accomplir, c'est par sa grâce et notre collaboration à sa grâce. Donc, deux exemples, un de l'Ancien Testament, un du Nouveau Testament avec Marie, pour nous convaincre que oui, c'est une règle, qu'il faut désirer être petit avec le Seigneur si un jour on veut être grand avec le Seigneur et dans l'amour. Comment faire pour croître dans cette petite voie, ce petit chemin, ce chemin de l'humilité au fond, qui rend sage, qui donne de connaître Dieu? Je vous donne 5 petites clés, ceux qui veulent les retenir, pour entrer dans ce chemin. Première clé, elle est simple, regardez Jésus. En regardez Jésus, pourquoi? Ben, c'est celui qui était le grand Dieu. Comme j'ai dit tantôt, il a pris la condition humaine, serviteur sur la croix, mais Dieu l'a élevé. Jésus, d'ailleurs, il dit lui-même, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. N'ayez pas peur d'être petit, parce qu'il y a une grandeur qui se cache dans la petitesse, dans l'amour qui sait se mettre au service. » Première clé, donc, regardez Jésus. Deuxième petite clé, admettre sa faiblesse. On est toutes pauvres, mais on n'aime pas ça l'admettre. Puis on aime encore moins que d'autres nous disent qu'on est pauvre sur tel ou tel point. Mais demandons donc à Dieu aujourd'hui la grâce de nous réconcilier avec nos pauvretés. Parce que notre pauvreté est une chance. Saint Paul, par 3 fois, avait demandé d'être délivré d'un mal, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, il dit, de cette épine dans la chair que je porte. Quelle était cette tentation, ce mal, on ne sait pas trop. Par 3 fois, il dit qu'il lui a demandé d'enlever ça. Mais le Seigneur lui a répondu, vous savez la réponse? Ma grâce te suffit, car elle donne toute sa mesure dans la faiblesse. Si tu es trop parfait, tu vas penser que tu n'as plus besoin de moi, puis tu vas oublier de me demander l'aide. Alors que si il te reste quelques imperfections, ça te rappelle que tu n'es pas parfait. Donc, ça t'aide à te souvenir que tu as besoin de moi. Et parce que tu t'appuies sur moi, tu peux faire encore plus de choses que si tu étais apparemment parfait. Donc, ta faiblesse devient une chance parce qu'elle devient un tremplin pour t'appuyer sur Dieu qui est tout-puissant. Donc, deuxième clé, admettre notre faiblesse même en remercier le Seigneur parce qu'elle me permet de m'appuyer sur Dieu. Troisième petite clé, se faire des amis, des saints qui ont exploré le chemin de la petite voie. La première de celles-là est sans aucun doute la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Ceux qui cherchent des lectures d'été, je vous recommande son autobiographie, un manuscrit autobiographique ou Histoire d'une âme, magnifique. Elle est l'une des saintes qui a ouvert grand le chemin de la sainteté, mais de façon simple, sans être extraordinaire. Je vous laisse le lire, je vous dis pas tout, mais petite Thérèse, ou sinon on a une image du frère André près de Saint-Joseph, un homme de chez nous. Donc ce petit homme qui, on disait de lui, pas de talent, on peut presque pas le garder dans la communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra pas enseigner, il pourra pas rien faire, il a pas de talent. Eh bien, il y a un religieux qui a dit « Ouais, mais quand même, il prie, puis il est pieux, puis il a une grande confiance en Dieu. » Puis finalement, ils l'ont gardé pour être portier, mais finalement, c'est lui qui est la gloire de toute la communauté maintenant, parce qu'il a eu un grand charisme par sa foi en Dieu pour guérir les gens qui souffraient et pour faire construire l'oratoire Saint-Joseph à Montréal qu'on voit maintenant de partout. Donc, troisième petite clé pour grandir sur ce chemin de la petitesse qui fait connaître Dieu, se faire ami des saints, entre autres Thérèse l'enfant Jésus, frère André, mais il y en a nombreux autres. Quatrième petite clé, c'est simplement se faire ami de l'Esprit Saint. Encore une fois, c'est lui qui nous donne d'être contents, même petits. C'est lui que même si je suis petit, qui gémit en moi, qui me rappelle que je suis fils, co-héritier avec le Christ et qui crie en moi « Abba, Père ». Et c'est ce même Esprit Saint qui est l'Esprit Saint qui combat et qui me rend victorieux, encore une fois, pour trancher la tête de toutes les tentations qui nous tenaillent si bien. Et enfin, prenons toujours Marie, c'est notre mère, notre guide, qu'elle nous conduise à ce chemin d'abaissement qui, au fond, nous rend grands dans l'amour. Amen.